Carol Flanders, 15e partie. Nous résolûmes de partir le lendemain, mais vers 6h du soir, nous fûmes alarmés par un grand tumulte dans la rue et des gens qui chevauchaient comme s'ils fussent hors de sens. Et qu'était-ce sinon une huée sur 3 voleurs de grand-route qui avaient pillé 2 carrosses et quelques voyageurs près de Dunstable Hill, et il paraît qu'avis avait été donné qu'on les avait vus à Brick Hill, dans leur maison, par où on entendait la maison où avaient été ces gentilshommes. La maison fut aussitôt occupée et fouillée. Mais il y avait assez de témoignages que les gentilshommes étaient partis depuis plus de 3 heures. La foule s'étant amassée, nous eûmes promptement des nouvelles. Et alors, je me sentis le cœur troublé d'une bien autre manière. Je dis bientôt aux gens de la maison que je me faisais forte de dire que c'était d'honnêtes personnes, et que je connaissais l'un de ces gentilshommes pour une fort honnête personne et de bon état dans le Lancashire. Le commissaire qui était venu sur la huée fut immédiatement informé de ceci et vint me trouver afin d'avoir satisfaction par ma propre bouche. Et je lui assurai que j'avais vu les 3 gentilshommes comme j'étais à la fenêtre, que je les avais vus ensuite aux fenêtres de la salle où ils avaient dîné, que je les avais vus monter à cheval et que je pourrais lui jurer que je connaissais l'un d'eux pour être un tel et que c'était un gentilhomme de fort bon état et de parfait caractère dans le Lancashire d'où j'arrivais justement dans mon voyage. L'assurance avec laquelle je m'exprimais arrêta tout net le menu peuple et donna telle satisfaction au commissaire qu'il sonna immédiatement la retraite, disant à ses gens que ce n'étaient pas là les hommes, mais qu'il avait reçu avis que c'était de très honnêtes gentilshommes. Et ainsi ils s'en retournèrent tous. Quelle était la vérité de la chose, je n'en sus rien, mais il est certain que les carrosses avaient été pillées à Dunstable Hill et 560 livres d'argent volés. De plus, quelques marchands de dentelles qui voyagent toujours sur cette route avaient été détroussés aussi. Pour ce qui est des 3 gentilshommes, je remettrai à expliquer l'affaire plus tard. Eh bien, cette alarme nous retint encore une journée, bien que mon époux m'assurât qu'il était toujours beaucoup plus sûr de voyager après un vol, parce qu'il était certain que les voleurs s'étaient enfuis assez loin après avoir alarmé le pays. Mais j'étais inquiète, et en vérité, surtout de peur que ma vieille connaissance fût encore sur la grande route, et par chance me vis. Je ne passai jamais 4 jours d'affilée plus délicieux dans ma vie. Je fus jeune mariée pendant tout ce temps, et mon nouvel époux s'efforçait de me charmer en tout. Oh, si cet état de vie avait pu continuer, comme toutes mes peines passées auraient été oubliées et mes futures douleurs évitées. Mais j'avais à rendre compte d'une vie passée, de l'espèce la plus affreuse, tant dans ce monde que dans un autre. Nous partîmes le 5e jour, et mon hôte, parce qu'il me voyait inquiète, monta lui-même à cheval, son fils et 3 honnêtes campagnards avec de bonnes armes à feu, et sans rien nous dire, accompagnèrent le carrosse pour nous conduire en sûreté à Dunstable. Nous ne pouvions faire moins que de les traiter très bravement à Dunstable, ce qui coûta à mon époux environ 10 ou 12 shillings et quelque chose qu'il donna aux hommes pour leur perte de temps, mais mon hôte ne voulut rien prendre pour lui-même. C'était là le plus heureux arrangement qui se pût rencontrer pour moi, car si j'étais venu à Londres sans être marié, ou bien il m'aurait fallu aller chez lui pour l'entretien de la première nuit, ou bien lui découvrir que je n'avais point une connaissance dans toute la cité de Londres qui pût recevoir une pauvre mariée et lui donner logement pour sa nuit de noces avec son époux. Mais maintenant, je ne fis point de scrupule pour rentrer droit à la maison avec lui, et là je pris possession d'un coup d'une maison bien garnie et d'un mari en très bonne condition, de sorte que j'avais la perspective d'une vie très heureuse si je m'entendais à la conduire. Et j'avais loisir de considérer la réelle valeur de la vie que j'allais sans doute mener. Combien elle serait différente du rôle déréglé que j'avais joué auparavant, et combien on a plus de bonheur en une vie vertueuse et modeste que dans ce que nous appelons une vie de plaisir. Oh, si cette particulière scène d'existence avait pu durer, ou si j'avais appris, dans le temps où je pus en jouir, à en goûter la véritable douceur, et si je n'étais pas tombée dans cette pauvreté qui est le poison certain de la vertu, combien j'aurais été heureuse, non seulement alors, mais peut-être pour toujours. Car tandis que je vivais ainsi, j'étais réellement repentante de toute ma vie passée. Je la considérais avec horreur, et je puis véritablement dire que je me haïssais moi-même pour l'avoir menée. Souvent je réfléchissais comment mon amant à Bath, frappé par la main de Dieu, s'était repenti et m'avait abandonné et avait refusé de plus me voir, quoiqu'il m'aimât à l'extrême. Mais moi, aiguillonné par ce pire des démons, la pauvreté, retournai aux villes pratiques et fis servir l'avantage de ce qu'on appelle une jolie figure à soulager ma détresse, faisant de la beauté l'entremetteuse du vice. Je vécus avec ce mari dans la plus parfaite tranquillité. C'était un homme calme, sobre et de bon sens, vertueux, modeste, sincère, et en ses affaires, diligent et juste. Ses affaires n'embrassaient pas un grand cercle, et ses revenus suffisaient pleinement à vivre sur un pied ordinaire. Je ne dis pas à tenir équipage ou à faire figure, ainsi que dit le monde, et je ne m'y étais point attendu, ni ne le désirais. Car, ainsi que j'avais horreur de la légèreté et de l'extravagance de ma vie d'auparavant, ainsi avais-je maintenant choisi de vivre retiré, de façon frugale et entre nous. Je ne recevais point de société, ne faisais point de visite, je prenais soin de ma famille et j'obligeais mon mari, et ce genre de vie me devenait un plaisir. Nous vécûmes dans un cours ininterrompu d'aise et de contentement pendant 5 ans. Quand un coup soudain d'une main presque invisible ruina tout mon bonheur et me jeta en une condition contraire à toutes celles qui avaient précédé. Mon mari ayant confié à un de ses clercs associés une somme d'argent trop grande pour que nos fortunes pussent en supporter la perte, le clerc fit faillite et la perte tomba très lourdement sur mon mari. Cependant, elle n'était pas si forte que s'il eût eu le courage de regarder ses malheurs en face, son crédit était tellement bon qu'ainsi que je lui disais, il eût pu facilement la recouvrer. Car se laisser abattre par la peine, c'est en doubler le poids, et celui qui veut mourir, y mourra. Il était en vain d'essayer de le consoler. La blessure était trop profonde. C'est un coup qui avait percé les entrailles. Il devint mélancolique et inconsolable, et de là tomba dans la léthargie et mourut. Je prévis le coup et fus extrêmement oppressé dans mon esprit, car je voyais évidemment que s'il mourait, j'étais perdu. J'avais eu 2 enfants de lui, point plus, car il commençait maintenant à être temps pour moi de cesser d'avoir des enfants, car j'avais maintenant 48 ans, et je pense que s'il avait vécu, je n'en aurais pas eu d'autres. J'étais maintenant abandonné dans un morne et inconsolable cas, en vérité, et en plusieurs choses le pire de tous. D'abord, c'était fini de mon temps florissant, où je pouvais espérer d'être courtisée comme maîtresse. Cette agréable partie avait décliné depuis quelque temps, et les ruines seules paraissaient de ce qui avait été. Et le pire de tout était ceci, que j'étais la créature la plus découragée et la plus inconsolée qui fût au monde. Moi qui avais encouragé mon mari et m'étais efforcée de soutenir les miens, je manquais de ce courage dans la douleur que je lui disais, qui était si nécessaire pour supporter le fardeau. Mais mon cas était véritablement déplorable, car j'étais abandonnée absolument sans ami ni aide. Et la perte qu'avait subie mon mari avait réduit sa condition si bas que, bien qu'en vérité je ne fusse pas en dette, cependant je pouvais facilement prévoir que ce que j'avais encore ne me suffirait longtemps. Que la petite somme fondait tous les jours pour ma subsistance, de sorte qu'elle serait bientôt entièrement dépensée, et puis je ne voyais plus devant moi que l'extrême détresse, et ceci se représentait si vivement à mes pensées qu'il semblait qu'elle fût arrivée autant qu'elle fût réellement très proche. Aussi mes appréhensions seules doublaient ma misère. Car je me figurais que chaque pièce de 12 sous que je donnais pour une miche de pain était la dernière que j'eusse au monde, et que le lendemain j'allais jeûner et m'affamer jusqu'à la mort. Dans cette détresse, je n'avais ni aide ni ami pour me consoler ou m'aviser. Je restais assise, pleurant et me tourmentant nuit et jour, tordant mes mains et quelquefois extravagant comme une femme folle, et en vérité, je me suis souvent étonnée que ma raison n'en ait pas été affectée, car j'avais les vapeurs à un tel degré que mon entendement était parfois entièrement perdu en fantaisies et en imaginations. Je vécus 2 années dans cette morne condition, consumant le peu que j'avais, pleurant continuellement sur mes mornes circonstances, et, en quelque façon, ne faisant que saigner à mort, sans le moindre espoir, sans perspective de secours. Et maintenant, j'avais pleuré si longtemps et si souvent que mes larmes étaient épuisées et que je commençais à être désespérée, car je devenais pauvre à grands pas. Pour m'alléger un peu, j'avais quitté ma maison et loué un logement. Et ainsi que je réduisais mon train de vie, ainsi je vendis la plupart de mes meubles, ce qui mit un peu d'argent dans ma poche, et je vécus près d'un an là-dessus, dépensant avec bien de l'épargne et tirant les choses à l'extrême. Mais encore, quand je regardais devant moi, mon cœur s'enfonçait en moi à l'inévitable approche de la misère et du besoin. Oh, que personne ne lise cette partie, sans sérieusement réfléchir sur les circonstances d'un état désolé et comment il serait aux prises avec le manque d'amis et le manque de pain. Voilà qui les fera certainement songer non seulement à épargner ce qu'ils ont, mais à se tourner vers le ciel pour implorer son soutien et à la prière de l'homme sage. « Ne me donne point la pauvreté, afin que je ne vole point. » Qu'il se souvienne qu'un temps de détresse est un temps d'affreuse tentation, et toute la force pour résister est ôtée. La pauvreté presse, l'âme est faite désespérée par la détresse, et que peut-on faire? Ce fut un soir qu'étant arrivé, comme je puis dire, au dernier soupir, je crois que je puis vraiment dire que j'étais folle et que j'extravaguais, lorsque, poussé par je ne sais quel esprit, et comme il était, faisant je ne sais quoi ou pourquoi, je m'habillai, car j'avais encore d'assez bons habits, et je sortis. Je suis très sûre que je n'avais aucune manière de dessein dans ma tête quand je sortis. Je ne savais ni ne considérer où aller, ni à quelle affaire. Mais ainsi que le diable m'avait poussé dehors et m'avait préparé son appât, ainsi il m'amena, comme vous pouvez être sûr, à l'endroit même, car je ne savais ni où j'allais, ni ce que je faisais. Errant ainsi çà et là, je ne savais où, je passai près de la boutique d'un apothicaire dans Leadenhall Street, où je vis placé sur un escabeau, juste devant le comptoir, un petit paquet enveloppé dans un linge blanc. Derrière se tenait une servante, debout, qui lui tournait le dos, regardant en l'air vers le fond de la boutique où l'apprenti de l'apothicaire, comme je suppose, était monté sur le comptoir, le dos tourné à la porte, lui aussi, et une chandelle à la main, regardant et cherchant à atteindre une étagère supérieure pour y prendre quelque chose dont il avait besoin, de sorte que tous deux étaient occupés. Et personne d'autre dans la boutique. Ceci était l'appât, et le diable qui avait préparé le piège m'aiguillonna, comme s'il eût parlé, car je me rappelle, et je n'oublierai jamais, ce fut comme une voix soufflée au-dessus de mon épaule. « Prends le paquet, prends-le vite, fais-le maintenant !» À peine fut-ce dit que j'entrai dans la boutique, et, le dos tourné à la fille, comme si je me fusse dressé pour me garer d'une charrette qui passait, je glissai ma main derrière moi et pris le paquet, et m'en allai avec. Ni la servante, ni le garçon ne m'ayant vu, ni personne autre. Il est impossible d'exprimer l'horreur de mon âme pendant tout le temps de cette action. Quand je m'en allai, je n'eus pas le cœur de courir, ni à peine de changer la vitesse de mon pas. Je traversai la rue, en vérité, et je pris le premier tournant que je trouvai, et je crois que c'était une rue de croisée qui donnait dans Fenchurch Street. De là, je traversai et tournai par tant de chemins et de tournants que je ne saurais jamais dire quel chemin je pris, ni où j'allais. Je ne sentais pas le sol sur lequel je marchais, et plus je m'éloignais du danger, plus vite je courais, jusqu'à ce que, lasse et hors d'haleine, je fus forcé de m'asseoir sur un petit banc à une porte, et puis découvris que j'étais arrivé dans Thames Street, près de Billingsgate. Je me reposai un peu, et puis continuai ma route. Mon sang était tout en un feu, mon cœur battait comme si je fusse en une frayeur soudaine. En somme, j'étais sous une telle surprise que je ne savais ni où j'allais, ni quoi faire. Après m'être ainsi lassé à faire un long chemin errant, et avec tant d'ardeur, je commençai de considérer et de me diriger vers mon logement, où je parvins environ à 9 heures du soir. Pourquoi le paquet avait été fait, ou à quelle occasion placé là où je l'avais trouvé, je ne le sus point. Mais quand je vins à l'ouvrir, je trouvai qu'il contenait un trousseau de bébés, très bon et presque neuf, la dentelle très fine. Il y avait une écuelle d'argent d'une pinte, un petit pot d'argent, et 6 cuillères avec d'autres linges, une bonne chemise et 3 mouchoirs de soie, et dans le pot un papier, 18 shillings 6 deniers en argent. Tout le temps que j'ouvrais ces choses, j'étais sous de si affreuses impressions de frayeur, et dans une telle terreur d'esprit, quoique je fusse parfaitement en sûreté, que je ne saurais en exprimer la manière. Je m'assis et pleurai très ardemment. « Seigneur, m'écriai-je, que suis-je maintenant, une voleuse? Quoi, je serai prise au prochain coup et emporté à Newgate, et je passerai au jugement capital. » Et là-dessus je pleurai encore longtemps, et je suis sûre, si pauvre que je fusse, si j'eusse osé dans ma terreur, j'aurais certainement rapporté les affaires. Mais ceci se passa après un temps. Eh bien, je me mis au lit cette nuit, mais dormis peu. L'horreur de l'action était sur mon esprit, et je ne sus pas ce que je disais ou ce que je faisais toute la nuit et tout le jour suivant. Puis je fus impatiente d'apprendre quelques nouvelles sur la perte, et j'étais avide de savoir ce qu'il en était, si c'était le bien d'une pauvre personne ou d'une riche. Peut-être, dis-je, que c'est par chance quelque pauvre veuve comme moi qui avait empaqueté ses hardes afin d'aller les vendre pour un peu de pain pour elle et un pauvre enfant, et que maintenant ils meurent de faim et se brisent le cœur par faute du peu que cela leur aurait donné. Et cette pensée me tourmenta plus que tout le reste pendant 3 ou 4 jours. Mais mes propres détresses réduisirent au silence toutes ces réflexions et la perspective de ma propre fin, qui devenait tous les jours plus terrifiante pour moi, m'endurcit le cœur par degrés. Ce fut alors que pesa surtout sur mon esprit la pensée que j'avais eu des remords et que je m'étais, ainsi que je l'espérais, repenti de tous mes crimes passés, que j'avais vécu d'une vie sobre, sérieuse et retirée pendant plusieurs années, mais que maintenant j'étais poussée par l'affreuse nécessité de mes circonstances jusqu'aux portes de la destruction, à mes corps. Et 2 ou 3 fois je tombai sur mes genoux, priant Dieu, comme bien je le pouvais, pour la délivrance. Mais je ne puis m'empêcher de dire que mes prières n'avaient point d'espoir en elles. Je ne savais que faire. Tout n'était que terreur au dehors et ténèbres au dedans. Et je réfléchissais sur ma vie passée, comme si je ne m'en fusse pas repenti, et que le ciel commença maintenant de me punir et dut me rendre aussi misérable que j'avais été mauvaise. Si j'avais continué ici, j'aurais peut-être été une véritable pénitente. Mais j'avais un mauvais conseiller en moi, et il m'aiguillonnait sans cesse à me soulager par les moyens les pires. De sorte qu'un soir il me tenta encore, par la même mauvaise impulsion qui avait dit « Prends ce paquet !» de sortir encore pour chercher ce qui pouvait se présenter. Je sortis maintenant à la lumière du jour, et j'errai je ne sais où, et en cherche de je ne sais quoi, quand le diable mit sur mon chemin un piège de terrible nature en vérité, et tel que je n'en ai jamais rencontré avant ou depuis. Passant dans Aldergate Street, il y avait là une jolie petite fille qui venait de l'école de danse et s'en retournait chez elle toute seule. Et mon tentateur, comme un vrai démon, me poussa vers cette innocente créature. Je lui parlai, et elle me répondit par son babillage, et je la pris par la main et l'amenai tout le long du chemin, jusqu'à ce que j'arrivai dans une allée pavée qui donne dans le clos Saint-Barthélemy, et je l'amenai là-dedans. L'enfant dit que ce n'était pas sa route pour rentrer. Je dis « Si, mon petit cœur, c'est bien ta route. Je vais te montrer ton chemin pour retourner chez toi. » L'enfant portait un petit collier de perles d'or, et j'avais mon œil sur ce collier. Et dans le noir de l'allée, je me baissai, sous couleur de rattacher la collerette de l'enfant qui s'était défaite, et je lui ôtai son collier, et l'enfant ne sentit rien du tout, et ainsi je continuai de mener l'enfant. Là, dis-je, le diable me poussa à tuer l'enfant dans l'allée noire, afin qu'elle ne criât pas. Mais la seule pensée me terrifia, au point que je fus près de tomber à terre. Mais je fis retourner l'enfant et lui dis de s'en aller, car ce n'était point son chemin pour rentrer. L'enfant dit qu'elle ferait comme je disais, et je passai jusque dans le clos Saint-Barthélemy, et puis tournai vers un autre passage qui donne dans Long Lane, de là dans Charterhouse Yard, et je ressortis dans John Street. Puis, croisant dans Smithfield, je descendis Chick Lane et j'entrai dans Field Lane pour gagner Holborn Bridge, où, me mêlant dans la foule des gens qui y passent d'ordinaire, il n'eût pas été possible d'être découverte. Et ainsi, je fis ma seconde sortie dans le monde. Les pensées sur ce butin chassèrent toutes les pensées sur le premier, et les réflexions que j'avais faites se dissipèrent promptement. La pauvreté endurcissait mon cœur, et mes propres nécessités me rendaient insouciante de tout. Cette dernière affaire ne me laissa pas grand souci, car n'ayant point fait de mal à la pauvre enfant, je pensais seulement avoir donné aux parents une juste leçon pour la négligence qu'ils montraient en laissant rentrer tout seul ce pauvre petit agneau, et que cela leur apprendrait à prendre garde d'une autre fois. Ce cordon de perles valait environ 12 ou 14 livres. Je suppose qu'auparavant il avait appartenu à la mère, car il était trop grand pour l'enfant. Mais que peut-être la vanité de la mère, qui voulait que sa fille eût l'air brave à l'école de danse, l'avait poussée à le faire porter à l'enfant, et sans doute l'enfant avait une servante qui eût dû la surveiller, mais elle, comme une négligente friponne, s'occupant peut-être de quelque garçon qu'elle avait rencontré, la pauvre petite avait erré jusqu'à tomber dans mes mains. Toutefois, je ne fis point de mal à l'enfant. Je ne fis pas tant que l'effrayer, car j'avais encore en moi infiniment d'imagination tendre, et je ne faisais rien à quoi, ainsi que je puis dire, la nécessité ne me poussa. J'eus un grand nombre d'aventures après celle-ci, mais j'étais jeune dans le métier, et je ne savais comment m'y prendre, autrement qu'ainsi que le diable me mettait les choses dans la tête, et en vérité, il ne tardait guère avec moi. Une des aventures que j'eus fut très heureuse pour moi. Je passais par Lombard Street à la tombée du soir, juste vers le bout de la cour des Trois Rois, quand tout à coup arrive un homme tout courant près de moi, prompt comme l'éclair, et jette un paquet qui était dans sa main juste derrière moi, comme je me tenais contre le coin de la maison au tournant de l'allée. Juste comme il le jetait là-dedans, il dit « Dieu vous sauve, madame, laissez-le là un moment !» Et le voilà qui s'enfuit. Après lui en viennent deux autres, et immédiatement un jeune homme sans chapeau, criant « Au voleur !» Ils poursuivirent ces deux derniers hommes de si près qu'ils furent forcés de laisser tomber ce qu'ils tenaient, et l'un d'eux fut pris par-dessus le marché. L'autre réussit à s'échapper. Je demeurai comme un plomb pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'ils revinrent, traînant le pauvre homme qu'ils avaient pris, et tirant après lui les choses qu'ils avaient trouvées, fort satisfaits sur ce qu'ils avaient recouvré le butin, et pris le voleur. Et ainsi ils passèrent près de moi, car moi, je semblais seulement d'une qui se gara pour laisser avancer la foule. Une ou deux fois, je demandai ce qu'il y avait, mais les gens négligèrent de me répondre, et je ne fus pas fort importune. Mais après que la foule se fut entièrement écoulée, je saisis mon occasion pour me retourner et ramasser ce qui était derrière moi et m'en aller. Ce que je fis en vérité avec moins de trouble que je n'avais fait avant, car ces choses je ne les avais pas volées, mais elles étaient venues toutes volées dans ma main. Je revins saine et sauve à mon logement, chargé de ma prise. C'était une pièce de beau taffetas lustré noir et une pièce de velours. La dernière n'était qu'un coupon de pièces d'environ 11 aunes. La première était une pièce entière de près de 50 aunes. Il semblait que ce fût la boutique d'un mercier qu'ils eussent pillée. Je dis pillée, tant les marchandises étaient considérables qui y furent perdues. Car les marchandises qu'ils recouvrèrent furent en assez grand nombre et, je crois, arrivèrent à environ 6 ou 7 différentes pièces de soie. Comme ils avaient pu en voler tant, c'est ce que je ne puis dire. Mais comme je n'avais fait que voler le voleur, je ne me fis point scrupule de prendre ses marchandises et d'en être fort joyeuse en plus.